tête en mille éclats de bruit, je cours après le jour. Mes jours me ferment la porte, chaque erreur m'appelle, chaque regard me supporte. On veut du lourd, on veut du vrai, on veut du résultat. Mais la porte me serre la gorge quand le décor se débat. J'ai les mains qui tremblent, serre les dents, j'avance quand même. Frère, ici c'est la rage qui nourrit nos dilemmes. Ça monte, ça monte, je le sens dans la poitrine. Tout le monde veut la couronne, personne veut la machine. Je tiens même quand le sol se fend. Sous pression, on devient plus grand. Sous pression. Fondre au fond d'un grand silence. Les sourires de façade, les regards sans patience. On me dit sois calme et j'ai le feu dans la main. Quand t'as faim, tous les jours le doute te suit le matin. J'ai pas choisi le poids, j'ai appris à le porter. Chaque cicatrice pâle, chaque nuit veut me juger. Mais je garde la cadence même au bord du craquage. Parce qu'au bout du couloir y'a ma face dans l'éclairage. Ça monte, ça monte, je le sens dans la poitrine. Tout le monde veut la couronne, personne veut la machine. Je tiens même quand le sol se fend. Sous pression, on devient plus grand. Sous pression, sous pression, sous pression, sous pression. J'ai fait de la peur une arme, j'ai fait de la nuit une clé. Pas de repos, pas de peau, j'avance avec mes fantômes. Mais quand tout pèse trop lourd, j'fais du poids à mon royaume. Sous pression, sous pression, sous pression, sous pression.